Ceci est un audio généré issu de l'article MUCULTRA, comment la CIA a testé le contrôle mental avec le LSD et pourquoi les archives prouvent que ce n'est pas une simple théorie du complot, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Titre: MK Ultra, comment la CIA a testé le contrôle mental avec le LSD et pourquoi les archives prouvent que ce n'est pas une simple théorie du complot. Texte: on a tellement utilisé le mot MK Ultra qu'il ressemble parfois à un clin d'œil de série ou à un hashtag complotiste. Pourtant, si on enlève le bruit, il reste quelque chose de très concret, des documents officiels, des rapports du Sénat, des archives de la CIA, des témoignages enregistrés noir sur blanc. Autrement dit, derrière le mythe, il y a une histoire administrative, froide, mais bien réelle. MK Ultra, c'est d'abord un programme clandestin lancé par la CIA au début des années 50, en pleine guerre froide. L'obsession de l'époque tient en une question, et si l'URSS possédait des techniques de lavage de cerveau capables de briser un prisonnier ou de retourner un agent? Face à cette peur, certains responsables américains se convainquent qu'ils doivent explorer eux aussi le contrôle mental, les drogues, l'hypnose, tout ce qui pourrait faire plier un esprit. Le résultat, ce sera un programme secret qui se déploie dans des universités, des hôpitaux, des prisons, parfois même dans des appartements banalisés. Ce programme apparaît dans les propres dossiers de la CIA sous le nom de Project MKUltra. On y lit que l'agence finance des recherches sur des substances capables de modifier la perception, la mémoire, la capacité à résister à un interrogatoire. Le mot qui revient le plus souvent, c'est LSD. Dans les années 50, cette molécule fascine les services de renseignement. Elle déforme le temps, change les couleurs, fait vaciller la notion de soi. Alors, une autre question surgit. Une dose de LSD peut-elle rendre quelqu'un plus manipulable, plus vulnérable, ou tout simplement inutilisable parce qu'il perd toute crédibilité? Pour répondre à ces questions, MK Ultra ne se contente pas de théoriser. Le programme teste. Selon les documents qui ont échappé à la destruction, la CIA a administré du LSD et d'autres substances à des employés, des militaires, des patients psychiatriques, des prisonniers et même à des civils qui n'en savaient rien. Certains croyaient participer à une étude médicale. D'autres prenaient simplement un verre dans un contexte apparemment anodin. En réalité, leur réaction devenait une donnée dans un tableau de recherche sur le comportement humain. Certaines expériences se déroulent en laboratoire. D'autres ont lieu dans des SAFUS, ces appartements secrets loués par la CIA. On y observe des personnes à qui l'on a donné du LSD sans les prévenir, derrière des miroirs sans teint ou avec des micros cachés. Ton premier article sur ces SAFUS raconte déjà ce théâtre discret, où les murs d'un appartement banal deviennent ceux d'un laboratoire clandestin. Le but consiste à voir ce que la drogue provoque dans un cadre réel, panique, paranoïa, révélation, comportements humiliants, tout s'inscrit dans un carnet de notes. En marge de ces tests, d'autres volets se mettent en place. Des programmes au nom de codes comme Blood Beer, Artichoke ou MK Delta explorent l'hypnose, la privation sensorielle, la combinaison de drogue et d'interrogatoire. Mac Delta, sur lequel tu as déjà un article spécifique, se concentre sur la dimension opérationnelle, comment utiliser le LSD et d'autres produits lors de vrais interrogatoires, ou pour déstabiliser quelqu'un au point de ruiner sa réputation. On ne cherche plus seulement à faire parler un suspect. On envisage aussi de rendre sa parole sans valeur, en le faisant passer pour instable ou fou. Une question se pose alors, comment sait-on tout cela, si le programme était si secret? Une partie de la réponse tient à un geste radical de la CIA elle-même. En 1973, un responsable ordonne la destruction de nombreux dossiers MUCULTRA. Des archives partent à la broyeuse. Mais tout n'était pas stocké au même endroit. Des rapports de l'inspection interne, des pièces comptables, des mémos et certaines boîtes de documents échappent à la destruction. Et surtout, le climat politique change. En 1975, le Sénat américain crée le Church Committee, une commission chargée d'enquêter sur les abus des agences de renseignement. Les parlementaires demandent des comptes à la CIA, au FBI, à la NSA. Ils fouillent les archives, auditionnent des responsables, recoupent les informations. C'est dans ce contexte que MK Ultra refait surface publiquement. Les sénateurs découvrent des traces du programme, comprennent qu'il a impliqué des expériences sur des sujets non informés et que la destruction de dossiers n'a pas tout effacé. En 1977, un rapport détaillé sur MK Ultra est rendu public. Il confirme l'existence du programme, ses méthodes, l'ampleur de ses sous-projets. Au milieu de cette histoire, un nom devient une sorte de symbole, Frank Olson. Scientifique de l'armée, en contact avec des programmes très sensibles, Olson participe en 1953 à une réunion avec la CIA. Lors de cette rencontre, on lui donne du LSD dans un verre sans le prévenir. Dans les jours qui suivent, il montre des signes de détresse psychologique, évoque l'idée de quitter son travail, se dit profondément troublé. 10 jours plus tard, il tombe d'une fenêtre d'hôtel à New York et meurt. Pendant 2 décennies, l'État présente sa mort comme un simple suicide. Mais lorsque la famille découvre, dans les années 70, que la CIA l'a drogué à son insu, l'affaire change de dimension et devient l'un des cas les plus discutés liés à MKUltra. Tout cela pose une question évidente, MKUltra n'était-il qu'un programme raté de plus dans l'histoire de la CIA, ou le symptôme de quelque chose de plus profond? Les documents suggèrent que la plupart des recherches sur le LSD n'ont pas donné les résultats fiables que l'agence espérait pour les interrogatoires. La drogue se montre trop imprévisible. Mais cela ne veut pas dire que le programme n'a pas eu de conséquences. Des personnes ont vécu des expériences qu'elles n'avaient jamais acceptées. Des vies ont basculé. Des familles ont appris, des années plus tard, que ce qui ressemblait à une dépression ou à une crise isolée venait en fait d'une expérience secrète. Aujourd'hui encore, MKUltra continue d'alimenter les discussions parce qu'il se situe à un endroit inconfortable. Les archives prouvent son existence, ses méthodes, ses dérives. En même temps, les destructions d'archives et les mensonges de l'époque laissent des trous que personne ne peut combler complètement. Entre ces deux réalités se glisse la méfiance, les théories plus ou moins étayées, les tentatives de minimisation, les récits extrêmes. En rassemblant les pièces disponibles, ton article pilier et les textes satellites sur les SAFUS, MKDelta, le Church Committee et Frank Olson montrent une chose, on n'a pas besoin d'inventer des histoires supplémentaires pour que cette affaire soit dérangeante. Ce que les documents attestent suffit déjà à poser une question lourde, jusqu'où des institutions peuvent-elles aller lorsqu'elles se persuadent que la fin la sécurité, la victoire, l'avance sur l'ennemi justifie tout, y compris de transformer des consciences humaines en simples variables d'expérience?